Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1984, sortait le premier film d'un réalisateur de 24 ans, au nom étrange, qui parlait peu mais allait faire beaucoup parler, Boy Meets Girl de Léos Carax. Pour beaucoup, ce film marquait l'éclosion d'un nouveau génie du cinéma, quand d'autres ne voyaient là que l'avènement d'un petit malin produit de l'air du temps, auteur d'un film formaliste comme on en avait fait beaucoup d'autres. Les choses n'allaient pas s'arranger pour Carax, dans la dithyrambe comme dans le dénigrement, avec ses films suivants, Mauvais sang et surtout Les amants du Pont-Neuf, naufrage de production, dû pourtant davantage à une suite de malchance qu'aux caprices de son réalisateur. Il faut dire que d'emblée, Carax ne joua pas sagement le jeu de la promotion et des interviews, ou plutôt qu'il le joua à sa manière, c'est-à-dire en se montrant peu ou pas, en parlant peu ou pas, multipliant les propos laconiques et les postures mystérieuses de l'artiste à décrypter. C'est un Léos Carax plutôt bavard que nous allons entendre, invité dans le cinéma des cinéastes à l'occasion de la sortie de Boy Meets Girl. Accompagné du chef opérateur du film Jean-Yves Escoffier et équipé d'un lecteur de cassettes qui le faisait parfois à sa place, Léos Carax répondait à presque toutes les questions d'un Claude Jean-Philippe paraissant intimidé et de Caroline Champetier qui, elle, ne l'était pas et qui, bien des années plus tard, devait signer l'image de Holly Motors, le cinquième long métrage de Léos Carax, devenu entre-temps simple cinéaste. Le cinéma des cinéastes, Boy Meets Girl de Léos Carax, une émission diffusée la première fois, le 25 novembre 1984, sur France Culture. Voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'œuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense, et personne ne m'empêchera de parler. Eh bien, voyez-vous, je vais aller vite, parce que je crois que ces choses-là coûtent très cher. Il faut donc être ménagé de ces mots. Le jour s'est levé, à peine la nuit va s'achever, que déjà ta main s'est glissée légère. À peine sortie du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre, l'aube blafarde va disparaître. C'est beau, regarde par la fenêtre. C'est beau, regarde le jour paraître. À chaque jour recommencer, à se vouloir, à se vanner, à se perdre, à se déchirer, à se battre, à se creuser. Ah, c'est les vents et les marais, mille fois perdu déchiré, mille fois perdu retrouvé. Ton œil docile, la difficile, et puis docile, la si fragile. Je suis la vague de noir, mais je m'enroule au creux de toi. À peine le temps s'est posé, printemps, hiver, automne, été, tu t'en souviens, c'était hier. Printemps, automne, été, hiver. À peine tu m'avais entrevue, et déjà tu